Ça tourne 22h18. Chronique de terrain. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Mélia Roger pour le festival Archipel. Bon, pour aujourd'hui, nous avons affaire à un épisode un peu particulier. J'ai voulu aussi parler de ma propre pratique sur le terrain, au micro. Pratique qui, depuis quelques années, a été beaucoup nourrie d'un travail en binôme avec l'ingénieur du son et monteur son Grégoire Chauveau. Avec Grégoire, on s'est rencontrés à un stage de field recording, très original, à Dinard en 2020, animé par Félix Blum. On a développé depuis une pratique en duo entre stages de pistage, où on apprend à lire les traces laissées par les animaux, de séjours audio-naturalistes et autres moments d'écoute à quatre oreilles. Pour cet épisode, on va vous parler, donc à deux, d'une prise de son de 2022 réalisée pendant le brame du cerf, donc c'est-à-dire la période de rut, pendant laquelle les cerfs mâles cherchent à féconder les femelles. On vous parle de présence animale, d'affût et de travail à deux. On est en octobre 2022 et on a décidé de consacrer le début du mois d'octobre à une petite excursion dans le Vercors avec pour but d'enregistrer le brame du cerf. On se dirige vers le plateau d'Ambelle, autrement dit le hotspot pour profiter du brame du cerf, puisqu'il s'agit d'une zone complètement interdite à la chasse. Et on a pu prendre la mesure de cette qualité de vie pour la faune sauvage parce que dès le premier moment où on pose le pied en dehors de la voiture, ça brame de partout, littéralement partout. En fait, au sol, il y a des traces de pas et il y a des traces de cervidés. Et on décide de suivre les traces de cervidés. En fait, on repère ce qu'on appelle une coulée. Et ça va nous indiquer le bon endroit de passage potentiel pour les cerfs. Notre déambulation nous amène à une grande clairière qui nous semble l'endroit tout indiqué pour aller bramer si on était des cerfs. Donc on se dit qu'on va probablement rester dans ces environs et donc on continue de tourner un peu autour de la clairière, d'écouter, de sentir un peu de là où risque ou pas de sortir le prochain grand cerf. Et assez rapidement, on tombe d'accord pour poser nos micros à l'orée de cette clairière et de rester caché derrière un petit moment. Donc là, on éteint quand même nos lampes et on reste silencieux. Dans l'obscurité. L'ouïe devient notre seul sens vraiment pour nous repérer dans cette forêt. Les distances, l'évaluation des distances devient un peu compliquée. On a beau ne pas avoir de casque sur la tête, tout paraît potentiellement plus proche. Si bien qu'au bout d'un moment, on se met à entendre de l'agitation dans les feuilles mortes, un peu plus en bas. Et donc, on se regarde et on se dit, avec un chuchotement presque imperceptible, qu'un grand cerf arrive. Et donc, l'excitation fait rapidement place à une petite inquiétude, où on se dit, mais s'il arrive sur cette coulée et qui tombe nez à nez avec nous, qu'est-ce qui va se passer? Et vu qu'on est dans l'idée d'être le plus silencieux, le plus immobile possible, on se sent d'un coup très vulnérable à mesure que les bruits se rapprochent. Oh. assez vite, en fait, on réalise qu'il ne s'agit pas d'un cerf, mais d'une famille de sangliers, puisqu'on entend, on entend grogner. Et donc on s'imagine tout de suite maman sanglier avec tous ses petits marcassins derrière. Et la conclusion est encore pire, si maman sanglier nous tombe dessus, elle aura peur forcément pour ses petits, et donc qu'est-ce qui va advenir de nous? Donc on prend notre courage à deux mains en restant complètement immobile et silencieux, tout en suivant à l'oreille les déambulations de cette famille de sangliers qui finalement nous contourne très largement, très probablement parce que ils nous ont sentis bien avant que nous-mêmes les ayons entendus ou même ayons été en mesure de les voir. Et donc cet événement qui nous a mis tout en alerte nous prépare à l'arrivée d'un jeune cerf qui sort et apparaît dans cette clairière et son brame prend tout l'espace sonore. On entend que c'est un jeune cerf parce qu'en fait, dans cette clairière, il y a d'autres brames au loin qui, eux, ont l'air beaucoup plus graves, beaucoup plus entraînés, disons. Et celui-là, il a un peu la voix cassée, comme s'il était peut-être en train de muer. Alors, ça se trouve, c'est juste une projection de notre part, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Et sur le moment, on se dit qu'on n'enregistre pas le plus beau brame, mais que c'est déjà super de l'avoir aussi proche. Quand le jeune cerf s'éloigne, on décide de reprendre le chemin principal du plateau d'Ambel pour essayer de trouver peut-être un autre spot, un autre endroit où on pourrait enregistrer d'autres brames. On a nos lampes frontales rouges, donc qui éclairent d'une manière pour ne pas en fait effrayer ou aveugler la faune autour. À mesure qu'on avance et que notre tête balaye le paysage pour voir où on va, régulièrement on voit apparaître un certain nombre de points lumineux qui trahissent la présence de 5, 6, 7 biches, cerfs, renards, que sais-je. Et ce qui est troublant et beau à la fois, c'est que ce ne sont que ces points lumineux qui trahissent leur présence dans un premier lieu. Et on prend conscience en fait qu'on passe tout ce chemin retour en étant en permanence observé par la faune. Tous les gens qu'on croise sur le chemin nous disent qu'ils viennent de voir un cerf. Mais nous, à aucun moment de notre petit séjour sur place, on va avoir la chance d'en observer de jour. On va voir quelques biches, des chevreuils, mais aux jumelles, on n'en aura jamais. Et je pense que c'est ça qui rend la soirée encore plus magique, c'est que les cerfs deviennent une présence qui est uniquement sonore. Quand on enregistre ensemble, jamais on se pose la question d'un temps trop long qui passe. On peut partager immédiatement ces moments d'écoute, alors que sans quoi on est toujours tout seul. Et c'est un peu frustrant en fait d'avoir la sensation de vivre des événements forts et de n'avoir que son casque avec qui le partager. Et je sais que moi j'ai tendance à me lasser beaucoup plus vite si je suis tout seul, même si j'enregistre des choses qui me plaisent énormément que quand on est tous les deux. C'est vrai que c'est super d'avoir quelqu'un pour se motiver à sortir tard, à se lever tôt, à faire un voyage pour enregistrer un certain type de son. Peut-être que seul, on ne se serait pas motivé à faire cela. Puis il faut le dire, ensemble, on se sent moins vulnérable. On peut rester en forêt, dans des endroits sans réseau, assez longtemps. Moi, je sais que toute seule, je n'aurais pas forcément, des fois, le courage. Et puis voilà, à deux, ça permet aussi de se sentir plus libre et on arrive à pousser l'expérience de terrain un peu plus loin. Enfin voilà, c'était juste un petit partage de notre expérience en binôme. Donc merci Grégoire d'avoir pris le temps de réfléchir sur notre pratique ensemble. C'est chouette d'arriver à poser des mots sur ce qu'on fait. Et sur ce, je vous laisse avec la suite du programme d'Archi Radio et je vous dis à demain. Merci Mélia, on est tout émus.